Chapitre 10e. Par-dessus les montagnes. Ni Tyr ni Muskwa ne touchèrent la carcasse du caribou après le grand combat. Tyr n'était pas en état de manger et Muskwa était encore tellement excité qu'il ne put avaler une bouchée. Il continua à mâchonner un morceau de peau noire. Pendant de longues minutes, le grizzly demeura la tête basse, tandis que le sang s'amassait en petites mares sous lui. Il faisait face à l'entrée de la vallée. Il n'y avait presque pas de vent, si peu qu'il était à peu près impossible d'en deviner la direction. Parfois, cependant, des tourbillons se formaient dans les coulées et une brise plus forte soufflait sur les épaulements et sur les pics. De temps en temps, une rafale des couches supérieures s'abattait brusquement et balayait la vallée en agitant les cimes des pins balsamiques. L'une d'elles, plus violente, apporte avec elle l'odeur de l'homme. De la léthargie dans laquelle il s'était momentanément laissé glisser, Tyr se réveilla avec un brusque grognement. Il leva la tête et flaira le vent. Muskwa cessa de passer sa rage sur le lambeau de peau et flaira le vent lui aussi. Il était chargé de l'odeur de l'homme. Langdon et Bruce couraient en transpirant et l'odeur de la sueur humaine est âcre et se sent de loin. Elle emplit Tyr d'une rage nouvelle. Il la sentait pour la seconde fois lorsqu'il était blessé et qu'il saignait. Il avait déjà associé l'odeur de l'homme avec la douleur. Cette impression se confirmait. Il tourna la tête et gronda dans la direction du cadavre mutilé de son ennemi. Puis il gronda d'un ton menaçant dans la direction du vent. Il n'était pas d'humeur à s'enfuir. À ce moment, si Bruce et Langdon étaient apparus par-dessus la crête, Tyr les eut chargés avec cette obstination féroce que les balles peuvent à peine arrêter et qui a valu à son espèce cette réputation terrible. Mais la rafale cessa bientôt et s'ensuivit une période de calme paisible. La vallée s'emplissait du ronronnement des eaux courantes, les loirs se répandaient doucement de rocher en rocher. Des perdrix s'appelaient là-bas dans la prairie verte. Tout ceci apaisa Tyr comme une caresse de femme apaise la colère d'un homme. Pendant 5 minutes, il continua de gronder et de grogner, mais les grondements et les grognements s'atténuèrent progressivement, et il finit par se diriger vers la ravine par laquelle Muskwa et lui étaient descendus précédemment. Muskwa le suivit sur ses talons. Les accidents de la ravine ne tardèrent pas à les masquer de la vallée. Les blessures que Tyr avait reçues lors de son combat singulier avaient cessé de saigner dès les premières minutes, contrairement à ce qui arrive pour les blessures par balles, et le grizzly n'avait pas laissé de pistes sanglantes derrière lui. La ravine les conduisit à un éboulis chaotique et là ils furent peut-être encore plus invisibles pour les observateurs de la vallée. Ils s'arrêtèrent et burent à une mare formée par la fonte des neiges sur les pics et puis ils continuèrent. Tyr ne s'arrêta pas lorsqu'ils atteignirent l'encorbellement sur lequel ils avaient dormi pendant la nuit précédente. Et cette fois, Muskwa n'était pas fatigué. En 2 jours, un grand changement s'était produit en lui. Il n'était plus si gros ni soufflé, il était plus fort, beaucoup plus fort. Il commençait à s'endurcir sous la tutelle de Tyr. Il était évident que Tyr savait où il allait. Il se dirigea sans hésitation vers une sorte de brèche étroite dans le flanc presque à pic de la montagne et s'y engagea, suivi de très près par l'ourson. Ils émergèrent à l'autre extrémité sur un éboulis tumultueux qui ressemblait à une carrière. Il était à peu près impossible à Muskwa d'avancer au milieu de cet assemblage chaotique de blocs anguleux. Et comme Tyr gravissait les premiers rochers, l'ourson s'arrêta et se mit à gémir. C'était la première fois qu'il calait. Et lorsqu'il constata que Tyr ne prêtait aucune attention à ses gémissements et qu'il continuait, la terreur s'empara de lui. Il se mit à crier au secours de toutes ses forces, tout en cherchant frénétiquement à découvrir un chemin au milieu des rochers. Complètement indifférent, semblait-il, au malheur de Muskwa, Tyr continua pendant une bonne 30 mètres, puis il s'arrêta, fit carrément demi-tour et attendit. Ceci rendit courage à Muskwa. S'agrippant des griffes et même des dents, il parvint à rejoindre Tyr après 10 minutes d'efforts complètement essoufflé. Puis tout à coup, ses terreurs disparurent. car Tyr se trouvait sur un sentier blanc et étroit aussi solide que du ciment. Ce sentier devait avoir une vingtaine de centimètres de large, et c'étaient les sabots de centaines et peut-être de milliers de générations de moutons de montagne qu'il avait fait ce sentier. Tyr s'en servait parfois pour passer d'une vallée à l'autre. Il y avait d'autres créatures de la montagne qui s'en servaient plus fréquemment que lui. Tandis qu'il attendait que Musquoi reprenne son souffle, ils entendirent le bruit d'une sorte de gloussement, à 40 ou 50 pieds en amont. Le sentier de chèvre disparaissait derrière un gros bloc, et de derrière ce bloc apparut bientôt un énorme porc-épic qui descendait lentement. Une loi des solitudes du Nord interdit aux hommes de tuer un porc-épic. C'est l'humoriste du désert, la bête la plus joyeuse, la plus satisfaite qui ait jamais respiré. Celle aussi qui jouit du meilleur caractère. Il ne cesse de soliloquer, de bavarder et de glousser. Lorsqu'il voyage, il ressemble à une pelote à épingle animée et ne s'inquiète pas du tout de ce qui se passe autour de lui. Tandis que le dit porc-épic, un compère extrêmement gros, descendait dans la direction de Musquoi et de Tyr, les piquants de ses côtés de sa queue cliquaient sur la pierre. Ses yeux étaient sur le sentier à ses pieds. Il était profondément absorbé dans ses pensées, ce ne fut qu'à 5 pieds de Tyr qu'il l'aperçut. Alors en un clin d'œil, il se mit en boule, et pendant quelques secondes il vociféra férocement. Après quoi, il devint aussi silencieux qu'un sphinx, observant l'ours formidable de ses petits yeux rouges. Tyr n'avait pas envie de le tuer. Mais le sentier était étroit et il était prêt à continuer. Il avança d'un pied ou deux et le porc-épic, lui tournant le dos, se tint prêt à lui administrer un coup du revers de sa queue puissante. Il y avait dans cette queue plus d'une centaine de piquants, et comme Tyr était entré plus d'une fois en contact avec des piquants, il hésita. Musquoi regardait curieusement. Il avait encore à apprendre la tactique à l'égard des porc-épics. Tyr fit un autre pas en avant, et avec un brusque tchoc-tchoc-tchoc, le bruit le plus formidable qu'il fut capable d'émettre, Porky avança par l'arrière-train et sa large queue épaisse fouetta l'air avec une force qui eut enfoncé ses piquants d'un bon demi-centimètre dans un tronc d'arbre. Ayant raté son coup, il se remit en boule. Tyr l'évita par un détour, puis il attendit Musquoi. Porky jubilait de son triomphe. Il s'étira. Ses piquants s'aplatirent un peu et il descendit vers Musquoi en se reprenant à glousser. Instinctivement, l'ourson se rejeta sur le bord extrême du sentier. Porky était à 4 ou 5 pieds au-dessous de lui, totalement absorbé par des pensées futiles. L'aventure du sentier aux chèvres n'était pas encore entièrement terminée, car à peine Porky avait-il parcouru 100 mètres, que de derrière le gros rocher apparut un lynx ardent sur la piste de son dîner favori. Ce bandit de la montagne était 3 fois aussi gros que Musquoi. Il n'était que muscles nerveux, os, griffes et dents aiguës. Il avait une marque blanche sur le nez et sur le front. Ses pattes étaient courbées et épaisses, sa queue touffue, et les griffes de ses pattes de devant presque aussi longues que celles d'un ours. Tyr accueillit son apparition par un grondement de menace, et le lynx fit demi-tour dans la direction opposée. Cependant, Porky continuait à descendre en se parlant à lui-même, entièrement oublieux de sa rencontre avec les ours. Il ignorait toujours que Tyr l'avait sauvé d'une mort certaine. Pendant environ 1 mile, Tyr et Musquoi suivirent le sentier des chèvres avant d'arriver à la crête même de la montagne. Ils étaient bien à 1,5 miles au-dessous du cours du ruisseau, et la crête que suivait le sentier était par endroits si étroite qu'ils pouvaient contempler simultanément les deux vallées. Une sorte de brume vert et or flottait à mi-hauteur des balles. La profondeur semblait illimitable. La forêt, le long du ruisseau, n'était plus qu'un long serpent noir, et les bois de pin et de cèdre sur les pentes semblaient de toutes petites touffes d'herbe à buffle. À pareille hauteur, le vent soufflait ferme. Musquoi était fouetté par les rafales. À plusieurs reprises, il sentit sous la plante de ses pieds le froid mystérieux et très désagréable de la neige. 2 fois, un même oiseau sembla vouloir s'abattre près de lui. C'était le plus grand oiseau qu'il eût jamais vu, un aigle. La seconde fois, il s'approcha tellement que Musquoi entendit battre ses ailes, et put en discerner la tête féroce et les serres ouvertes. Tyr leva la tête et gronda. Si Musquave était seul, les sœurs se seraient refermées sur lui. La troisième fois que l'aigle plongea des hautes sphères aériennes, il descendit considérablement au-dessous d'eux. L'énorme oiseau chassait un autre gibier. L'odeur du gibier ne tarda pas à monter jusqu'à Musquave et jusqu'à Tyr qui s'arrêtèrent. À une centaine de mètres au-dessous d'eux, il y avait une sorte de coupelle au sol rocailleux, et dans cette coupelle, se chauffant au soleil après le repas du matin, une bande de moutons. Il y en avait une trentaine, brebis, agneaux pour la plupart. Trois béliers puissants montaient la garde un peu plus à l'est. L'aigle continua de planer sans faire de bruit, ses ailes de 6 pieds tendues comme des éventails jumeaux. Les brebis et même les vieux mâles étaient inconscients de sa présence au-dessus d'eux. La plupart des agneaux gisaient près de leur mère, mais trois d'entre eux, plus hardis ou plus alertes, s'amusaient à cabrioler sur les bords de la coupelle. L'aigle ne perdait pas de vue ces trois imprudents. Soudain, il se laissa tomber comme une pierre en plein sur les agneaux. Un bêlement d'agonie marqua son passage, et il n'y eut plus que 2 agneaux, où il y en avait eu 3. Une agitation désordonnée se propagea aussitôt dans la coupelle. Les brebis se mirent à courir en tous sens et à bêler. Les 3 béliers bondirent et le front dressé se mirent à scruter les pics dans la crainte d'un nouveau danger. L'un d'eux vit Tyr et le bêlement d'avertissement qui sortit de sa gorge eut été entendu par un chasseur à 1000 miles de distance. Tandis qu'il émettait ce signal d'alarme, il se précipita le long de la pente et l'instant d'après, une avalanche de sabots battait les flancs ardoisés de la montagne. Tout ceci intéressait fort Musquave, et il serait demeuré longtemps sur place dans l'attente d'autres événements si Tyr ne l'avait entraîné. Au bout d'un temps, le sentier des moutons commença à descendre vers la vallée dont Tyr avait été obligé de fuir l'extrémité supérieure sous les premières balles de Langdon. Ils étaient maintenant à 6 ou 8 milles au nord de la haute futaie, où les chasseurs avaient établi leur camp permanent, et ils se dirigeaient vers les tributaires inférieurs de la Skeena. Au bout d'une autre heure de voyage, ils étaient sur les pentes vertes. Après les rochers et le vent froid, la vallée chaude et verdoyante semblait un paradis à Musquave. Et il était évident que Tyr avait quelque chose en tête. La tête basse, il se dirigeait en droite ligne vers le nord. Un compas n'aurait pas marqué une courbe plus directe vers les eaux de la Skeena. Il allait résolument, sans jamais ralentir, et Musquave, qui suivait bravement à la même allure, se demandait s'il s'arrêterait jamais. Et ce qu'il pouvait bien y voir au monde de plus épatant pour un grand grizzly et un ourson brun que ses pentes merveilleusement ensoleillées, que Tyr semblait si pressé de quitter.